sais pas comme c'est curieux, comment moi j'ai fait pour te plaire. Je ne connais rien des bonnes manières, alors que toi, t'aimes, sûr. Tu m'as toujours intimidée, et dans ma tête tout se brouille. Mes jambes tremblent et je m'embrouille, rien que d'oser te demander. Pourquoi ça fait rire tes amis lorsque tu m'appelles Totoche? Moi j'aime ce nom qui nous rapproche, puisque c'est toi qui l'as choisi. Il n'est pas dans le calendrier, mais tu m'as dit qu'un jour sa fête, on la ferait en tête à tête. Et j'attends depuis des années. Mais quand sait-il, mais quand sait-il qu'on fêtera la Saint-Totoche? Mais quand sait-il, mais quand sait-il qu'on fêtera la Saint-Totoche? Pendant que tu vas travailler la nuit avec ta secrétaire, moi je repasse tes affaires et je fais briller tes souliers. Le matin je passe l'aspirateur, j'invente des plats, je fais des crèmes, je mets le couvert que tu aimes. Oui, mais toi, tu déjeunes ailleurs. Le dimanche et les jours fériés, tu cherches au loin la solitude, disant que cette vieille habitude est nécessaire à ta santé. Mais pour le jour où tu pourras, c'est que je suis ta compagne. J'ai acheté du vrai champagne, celui que tu bois toujours sans moi. Mais quand sait-il, mais quand sait-il qu'on fêtera la Saint-Totoche? Mais quand sait-il, mais quand sait-il qu'on fêtera la Saint-Totoche? Que tu seras décidé, tu verras, je me ferai belle. Il y a si longtemps tu te rappelles que tu ne m'as pas regardé. Je voudrais tant pour ce beau jour que toi aussi tu te souviennes et qu'une fois encore tu reviennes. Parler simplement d'amour. Mais quand sait-il, mais quand sait-il qu'on fêtera la Saint-Totoche? Mais quand sait-il, mais quand sait-il qu'on fêtera la Saint-Totoche?